toujours en vie dans le game quand la plupart ont lâché l'affaire. On écrit nos récitals haut violentés par les violences du monde qui ont blessé ma chair. Organisé comme des mafieux, moi et mes reflets dans le game. On opère au silencieux, voilà venir les mauvais garçons. Attention la putain de ta mère. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. Je prends la parole pour les rotards le game qui ont la peau colorée comme le Z là, la vie trop bonne et sexy mais peu de charcuter comme cette salope de Nabila. On veut du feu, bide et Dieu voit des villas, quitte à partir dans le froid comme un villa, ou faire couler le sang des ennemis comme Attila. J'compte plus les refrains noyés dans la pia, j'compte plus les bâtards cachés dans mon sillage. J'arrive de me voir déraper dans mes virages parce que leur style est pourri, dépassé, recalé. Ils ont pourri dans l'armoire comme un sous-vêtement fila. Les jaloux, je les emmerde, j'fais mon bif, mon frog, mon fucking billet. On n'a plus rien à perdre, j'ai beaucoup d'ennemis depuis que j'suis certifié. Par la street zère, ouais tu connais. Négro je les pèse avec un sang froid polaire. J'viens foutre le spot comme un grand coup de tonnerre. Et j'fuck tes barricades, j'casse tes barricades. Kiffe quand les négros et les raps arricanent. J'fais flipper la France comme l'essence du jerrycan. J'suis né pour tuer comme les armes américaines. On veut des sous pour la MIFA, remporter la mise et les trophées. Loi de la rapacité de nos routes, des embrouilles et des procès. On veut des gros sous roulés en camo sur les Champs-Elysées avec nos têtes cramées niquées. Avec le sourire aux lèvres de voir ces chiennes de 6 rap paniquées. Pour l'État nous a bluffé, la rue nous a bluffé. Comme le dit monsieur Green Money, la pas du gars nous a ensorcelés. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. Voudrait nous voir embourbés dans le ghetto. Les pieds dans la hesse. Voudrait nous voir embourbés dans le ghetto. Fouguet de la 16, fouguet de la 16, fouguet de la 16. Fouguet de la drogue ou un petit peu de la TC. Nous voir en bas des hauts, la sphère perforée par les putains de bastos de la PJ. On veut briller loin des drames qu'on nous prédit. On veut filer à l'anglais sans le ferry. Se barrer loin des destins sanglants à les enfants terribles. Compter la mort comme dans des crimes en série. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. Toujours en vie dans le game quand la plupart ont lâché l'affaire. On écrit nos récitals haut violentés par les violences du monde qui ont blessé ma chair. Organisé comme des mafieux, moi et mes refrains dans le game. On opère au silencieux, voilà venir les mauvais garçons. Attention la putain de ta mère. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. C'est rageant mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ouais c'est rageant mais c'est comme ça mon pote. Nous aussi on veut être là dans la justice. 9-4. Voilà. C'est rageant. Mais c'est comme ça négro. C'est comme ça.